Tout mystère, où l'enquête en meurtre est obscurcie, l'énigme ensanglantée est plus âpre à résoudre. L'ombre s'ouvre, terrible, après le coup de foudre. Tuer n'est pas créé, et l'on se tromperait si l'on croyait que tout fini on couperait. C'est là qu'inattendu, impénétrable, immense, pleine d'éclairs subis, la question commence. C'est du bien et du mal, mais le mal est plus grand. Satan rit à travers l'échafaud transparent. Le bourreau, quel qu'il soit, a le pied dans l'abîme. Quoi qu'elle fasse, hélas, la hache fait un crime. Une lugubre nuit fume sur ce tranchant. Quand il vient de tuer, comme en s'en approchant, on frémit de le voir tout ruisselant, et comme on sent qu'il a frappé dans l'ombre plus qu'un homme. Sitôt qu'a disparu le coupable immolé, hors du panier tragique où la tête a roulé, le principe innocent, divin, inviolable, avec son regard d'astre à l'aurore semblable, se dresse, spectre auguste, un cercle rouge au cou.